Mais c'est la prise de position au niveau de la liberté fondamentale dans tout notre comportement. Et ça, c'est une position qui ne vieillit pas. Mais c'est la prise de position au niveau de la liberté fondamentale dans tout notre comportement. Et ça, c'est une position qui ne vieillit pas. La société telle qu'elle est, dans laquelle je suis né, était vouée au désastre. C'était impossible de la poursuivre. La fabrication mécanique était viciée parce qu'elle obligeait l'homme à faire des actes mécaniques. À nous rendre familiers des aspects encore troublants du psychisme. La peinture maintenant devrait être appelée à nous rendre familiers des aspects encore troublants du psychisme. La peinture maintenant devrait être appelée à nous rendre familiers des aspects encore troublants du psychisme. Il faut avoir quand même l'esprit en dehors de la terre où on est né. Donc aussi, il faut avoir quand même l'esprit en dehors de la terre où on est né. Donc aussi, il faut avoir quand même l'esprit en dehors de la terre où on est né.